Pendejo, pendejo. Pendejo, pendejo, c'est l'histoire de Pendejo. Un truc pas très rigolo, pourtant ce mec était réglo. Régler ses têtes, c'était chose faite. Faire de l'argent, il savait faire comme faire peur et les faire taire. Il s'en bat les couilles de plaire, toujours terré sur son terrain. Pendejo est parti de rien, maintenant c'est lui qui tient le terrain. Il veut régner comme un parrain, personne l'a parrainé. C'est pas un paresseux, à la porte ça a sonné. C'est Pendejo qui l'a enseigné. Ouais, Pendejo, Pendejo, fais belle à tes potos. Ouais, Pendejo, Pendejo, à toi seul t'es un héros. Pendejo, Pendejo, c'est pas un rigolo. À 13 ans, il picole la même année, il quitte l'école. T'as son daron qui quitte l'appart. La Pendejo a pris une tarte, des tartes il en a mis. Des KO il en a pris, brisé par le CJD. Pendejo il est tombé, 15 ans dans sa cellule. Zéro sur son PQ, toute la nuit il regarde la lune. Il a tourné, ça l'a forgé, ça y est il est sorti. Et maintenant il veut manger. Pendejo, Pendejo, un ambitieux pas un chanceux. Et pourtant Pendejo. Pendejo, Pendejo, fais bellec à tes potos. Ouais, Pendejo, Pendejo, à toi seul t'es un héros. Pendejo, Pendejo, c'est pas un rigolo. Rigoler, il aime pas ça, il a la tête dans les serfants. Réservé mais respecté, en respectant tous ses marchands. Il marchandait toute la journée, la nuit chez toi. Visite, ta porte il dévisait, ton coffre il démontait. Sa vie un gros pépin, son but c'est de palper. Pendejo aimait compter, mais sur ses potes il ne compte pas. Il a grandi, c'est un bandit, maintenant le calibre est brandi. À vrai dire, ça a tiré, un soir on l'a touché. Pendejo dans l'ambulance, pense déjà à riposter. Au pas s'il prend du grade, il a tiré les grosses brigades. Des brigadiers veulent sa tête, lui il est prêt pour allumer. Un matin, il a tiré dans le thorax, il a visé. Pendejo, il s'est vengé, mais là sa vie a basculé. Car Pendejo, il a tué, tué, il voulait pas. En Valka, il doit se barrer, à Mar bébé, il prend congé. T'as ses terrains qui tourne plus, là la roue elle a tourné comme une toupie. Il tourne en rond à la recherche de faire du blé. T'as personne qui veut l'aider, façon de l'aide il en fait pas. Ce putain de gars sort de l'alerte. Le temps passe, il pète les ponts, il fait plus rentrer un rond. Dans sa villa il devient barjot, lui qui faisait passer des kilos, des kilos et des kilos. La polo servait d'ouvreuse à la RS et des porteuses. Porteuses c'était stupéfiant. Pendejo et les méfiants. Ah ouais ma gueule. Pendejo il avance seul car il sait qu'il mourra seul. Let's go.